fesses tombées, ma serre-tête. Séance Holoking, je me mets aux lentilles. Trêve, drapeau rouge, je me mets à la rose, rose. Sourire, je sépare. Rectus, je vais t'avoir. Petite gâteau, à lentille, je veux te bouffer la tête. Un peu de crottin sur mon tailleur. Je recentralise sur mes chemises. Prie-Dieu, genou cagneux, je m'en balance, j'ai encore une chance.